Vous êtes à plat et vous aimeriez retrouver tonus physique et intellectuel. Les éditions du Cherche Midi et Demi présentent la collection Le Corps et l'Esprit, la première collection de romans comestibles, des livres qui se lisent et se mangent au fil de votre lecture. Grâce à une toute nouvelle technique de cuisine moléculaire, chacune des pages de nos ouvrages est fabriquée à partir d'aliments séchés puis compressés dans nos imprimeries. Vous retrouvez ainsi la composition d'une entrée de la page 1 à 10, d'un plat de la page 10 à 20 et d'un dessert de la page 20 à 30. Terminez enfin votre lecture et votre repas en dégustant notre couverture en chocolat 70% de cacao élaborée par l'un de nos meilleurs ouvriers de France. Avec la collection Le Corps et l'Esprit, dévorer un livre ne sera plus une figure de style. Le premier numéro, Les Aventuriers de la Salade Niçoise Perdue, un roman d'aventure écrit et cuisiné par le chef et écrivain Guillaume Museau. Avec la collection Le Corps et l'Esprit, vous lisez tous les jours un repas complet et équilibré. Attention, ne pas consommer le livre après l'avoir laissé plus d'une journée dans votre sac à main.